musique populaire, mélodie qui rassemble, peu importe qu'on se ressemble, le fric pollue l'air, humain et solidaire, ouais la cause est commune, la liberté est trop grande pour tenir enfermée dans l'urne, brûlons camarades les illusions qui nous séparent, chantons, volons, par-dessus les remparts, par-dessus les idéaux, les langues et les traditions, tous ensemble, les causes à la casse, à cause de classe, de haut et de bas, de tout et de rien, de pour et de contre, de mal et de bien, de gauche et de droite, de riche et de pauvre, d'Europe et de France, de visa et de droit, de race et de foi, de voile et de croix. Ça cause, mais ça ne résout pas, ça parle monde, ça parle monde, mais ça ne résout pas, ça parle peuple. Mais ne l'écoute pas, nous peuple d'en bas, nous les braves gens, les sans-papiers, les sans-taf, les sans-argent, trinquons à la santé des dirigeants. Amis camarades, aujourd'hui c'est jour de fête. Troubadours et bouffons, de retour pour vos mirettes. Les interdits sont interdits, les règles on les dérègle. La noblesse n'a qu'à s'y faire, ce soir on danse sur nos terres. Les grands-pères et les grands-mères, les mères et puis les pères. Petites sœurs, petits frères, grandes sœurs et grands frères. Les opinions s'échangent, les couleurs se mélangent. La nuit nous appartient, tant pis si ça dérange. Que les bien-pensants dégagent, place aux sauvages. De tous bords, de tous âges, même les idiots du village. À tous ceux qui ont du cœur, de l'amour, de la rage. À tous ceux qui n'ont plus peur, du temps et des mirages. Par-dessus bord, vos discours socialo-capitalistes. Ultra sécuritaire, démagos et fumistes à la mer, vos convenances, politesse et bonnes manières, vos clichés, vos jugements, apparences et critères, soyons forts et libres, n'ayons pas peur de vivre, n'avale pas la pilule, crois-y encore un peu, consomme et crève, c'est leur jeu. De quoi tu rêves, camarade? Nos vies en sont l'enjeu.